Commentaire du Credo par saint Thomas d'Aquin, dans la traduction du latin au français par un moine de Fontgombault, publié aux Nouvelles Éditions Latines en 1969. Huitième partie, commentaire de l'article 7. De là, c'est-à-dire de la droite du Père, Jésus viendra juger les vivants et les morts. Juger fait partie de l'office des rois et des seigneurs. Nous lisons en effet dans les Proverbes: le roi assis sur le trône de la justice, par son regard, dissipe tout mal. Or le Christ est monté au ciel et est assis à la droite de Dieu, comme le Seigneur de toutes les créatures. Le jugement lui appartient donc manifestement. C'est pourquoi dans la règle de la foi catholique, nous confessons que Jésus viendra juger les vivants et les morts. C'est aussi ce que dirent les anges au moment de l'Ascension. Ce Jésus qui vient d'être enlevé au ciel du milieu de vous en reviendra de la même manière que vous l'avez vu y aller. Il y a lieu d'observer trois choses à propos de ce jugement. D'abord sa forme, ensuite la crainte qu'il doit nous inspirer, et enfin le genre de préparation qu'il requiert de nous. D'abord de la forme du jugement du Christ. Trois réalités concourent à la forme d'un jugement: la personne du juge, les personnes jugées, et enfin les matières sur lesquelles celles-ci sont jugées. D'abord, le Christ est juge. C'est lui, dit saint Pierre, qui a été constitué par Dieu juge des vivants et des morts. Soit que nous comprenions par mort les pécheurs et par vivant les justes, soit que nous entendions au sens littéral par vivant ceux qui vivront au moment du jugement, et par mort tous ceux qui effectivement seront morts. Or le Christ Jésus est juge non seulement en tant qu'il est Dieu, mais aussi en tant qu'homme. Et cela pour trois motifs. D'abord parce qu'il est nécessaire que ceux qui sont jugés voient leur juge. Or la divinité possède un tel attrait qu'on ne peut la voir sans éprouver de joie. Aucun damné ne pourra donc la voir, parce qu'alors il se réjouirait. Afin que notre juge soit vu de tous les hommes, il faut donc qu'il apparaisse sous la forme d'un homme. Parlant de lui, Jésus dit en effet aux Juifs: « Le Père a donné au Fils le pouvoir d'exercer le jugement, parce qu'il est Fils de l'homme. » En second lieu, le Fils de Dieu est juge universel en tant qu'homme, parce qu'il a mérité précisément en tant que tel cet office de juge. C'est comme homme en effet qu'il fut injustement jugé. Aussi fut-il constitué par Dieu juge du monde entier. Votre cause, lisons-nous dans le livre de Job, a été jugée comme celle d'un impie. Aussi vous recevrez le jugement. En dernier lieu, le jugement fut donné au Christ en tant qu'homme, afin que les hommes étant jugés par un homme cessent de désespérer. Si en effet Dieu seul était leur juge, dans leur effroi ils se livreraient au désespoir. Jésus dit dans l'Évangile: on verra le Fils de l'homme venir dans la nuée. Il jugera tous ceux qui existent, ont existé et existeront. L'apôtre déclare aux Corinthiens: il faut que tous nous comparaissions devant le tribunal du Christ, afin que chacun reçoive ce qui est dû aux bonnes ou aux mauvaises actions qu'il aura faites pendant qu'il était revêtu de son corps. Ensuite, un jugement se caractérise d'après ceux qui sont jugés. Et au sujet de ceux qui sont jugés, il y a d'après saint Grégoire une quadruple différence. D'abord, les uns sont bons, les autres mauvais. Ensuite, parmi les mauvais, certains seront condamnés, mais ne seront pas jugés. Ce sera le cas de ceux qui ont refusé la foi. Leurs actions ne seront pas soumises à un examen, car qui ne croit pas, dit Jésus, est déjà jugé, parce qu'il n'a pas voulu croire au nom du Fils unique de Dieu. Les autres mauvais, eux, seront jugés et condamnés, comme les fidèles morts en état de péché mortel. L'apôtre dit à propos de ces pécheurs et de leurs péchés: le salaire du péché, c'est la mort. Ils ne seront pas en effet exclus du jugement, à cause de la foi qui était dans leur intelligence. Quant aux bons, certains seront sauvés, mais ne seront pas jugés. Ce seront ceux qui auront possédé l'esprit de pauvreté, par amour pour Dieu. Bien loin de passer par le jugement, ils jugeront les autres. Vous qui m'avez suivi, déclare Jésus, lors de la régénération, quand le Fils de l'homme aura pris place sur son trône de gloire, vous siégerez, vous aussi, sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Ces paroles visent non seulement les disciples, mais aussi tous ceux qui ont l'esprit de pauvreté. Autrement, saint Paul, qui travailla plus que tous les autres, ne serait pas de leur nombre. Oui, assurément, elle vise ces paroles tous ceux qui suivirent les apôtres et les hommes apostoliques. Aussi l'apôtre écrit-il aux Corinthiens : Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges ? Et nous lisons en Isaïe : Le Seigneur viendra pour le jugement avec les anciens et les princes de son peuple. Les autres bons, à savoir ceux qui mourront dans la justice, seront sauvés, mais ils seront jugés. En effet, bien qu'ils aient quitté cette vie justifiée, ils ont commis quelques fautes au milieu de leurs occupations temporelles. Ils seront donc jugés, mais ils obtiendront le salut. Le dernier élément qui caractérise un jugement est la matière sur laquelle on juge. Or, les hommes seront jugés sur toutes leurs actions, bonnes et mauvaises. L'Ecclésiaste dit « Suis les voies de ton cœur ». Mais sache que pour tout cela, Dieu te fera venir en jugement. Et plus loin, oui, Dieu citera en jugement toutes les œuvres des hommes, soit bonnes, soit mauvaises. Même sur nos paroles inutiles, nous serons examinés. Le Seigneur le dit expressément. Je vous le déclare, les hommes rendront compte au jugement de toute parole vaine. Et il en sera de même de nos pensées. La sagesse affirme en effet que Dieu fera une enquête sur les pensées de l'impie. La deuxième partie de ce commentaire porte sur la crainte que doit nous inspirer le jugement de Jésus-Christ. Et nous devons le craindre pour 4 raisons. Le premier motif de le redouter, c'est la sagesse du juge. Jésus en effet n'ignore absolument rien de nos pensées, de nos paroles et de nos actions. Tout est à nu et à découvert à ses yeux. Et toutes les voies de l'homme n'ont pas la moindre obscurité pour les yeux du Seigneur. Il connaît également toutes nos paroles. Son oreille jalouse entend tout. Le Seigneur, pareillement, n'ignore rien de nos pensées. Le prophète Jérémie, en effet, nous rapporte ces paroles de Dieu. Le cœur de l'homme est dépravé et impénétrable. Qui le connaîtra? Moi, le Seigneur, qui scrute les cœurs et sonde les reins, qui donne à chacun, selon ses voies, et le fruit de ses pensées et de ses œuvres. Là sera un témoin infaillible, la propre conscience des hommes. L'apôtre écrit aux Romains, « Leur conscience leur rend témoignage, par la diversité des réflexions qui les accusent ou qui les défendent. » Au jour où Dieu jugera ce qui est caché dans le cœur des hommes. En second lieu, il nous faut craindre le jugement à cause de la puissance du juge, car il est par lui-même tout puissant. Voici, dit Isaïe, voici que le Seigneur Dieu viendra avec puissance, et il est également tout puissant sur les autres, car l'ensemble de la création, à l'heure du jugement, sera avec lui. L'univers entier, dit en effet la sagesse, combattra avec lui contre les insensés. C'est pourquoi Job déclarait « Personne n'est capable de délivrer de ta main ». Et de son côté, le psalmiste chante ces paroles « Si je monte au ciel, tu y es. Si je descends en enfer, tu y es encore. » En troisième lieu, il faut redouter le jugement à cause de l'inflexible justice du juge. Actuellement, en effet, c'est le temps de la miséricorde, mais alors ce sera uniquement le temps de la justice. Et c'est pourquoi maintenant c'est notre heure à nous. Mais alors ce sera exclusivement l'heure de Dieu. au temps que j'aurai fixé, dit le Seigneur, je ferai parfaite justice. Et nous lisons dans les Proverbes, au jour de la vengeance, son zèle et sa fureur seront sans pitié. Il n'écoutera les prières de personne, et il ne recevra pas les dons nombreux offerts pour le rachat des coupables. Enfin, le quatrième motif de redouter le jugement, c'est la colère du juge. Si en effet le juge doit apparaître au juste, plein de douceur et de charme, puisque selon Isaïe, ils contempleront le roi dans sa beauté, il paraîtra par contre aux méchants, si dur et si courroucé, qu'ils crieront aux montagnes, « Tombez sur nous et dérobez-nous à la colère de l'agneau », ainsi qu'il est dit dans l'Apocalypse. Mais quand l'Écriture parle de colère, elle n'entend pas signifier qu'en Dieu il y aura un mouvement de colère. Elle a en vue seulement ce qui paraît être un effet de la colère, à savoir la peine éternelle infligée aux pécheurs. Saint Thomas d'Aquin termine le commentaire de cet article en suggérant quatre remèdes contre la crainte du jugement. Le premier consiste dans les bonnes œuvres. Saint Paul en effet écrit aux Romains « Veux-tu n'avoir pas à craindre l'autorité ? Fais le bien et tu en recevras des éloges. » Le second remède contre la crainte du jugement, c'est la confession et la pénitence des péchés que l'on a commis. Pour cette confession et cette pénitence, trois conditions se requisent, grâce auxquelles la peine éternelle est expiée. Ce sont la douleur dans la pensée, la honte dans l'aveu, la rigueur dans la pénitence. Le troisième remède est l'aumône qui purifie tout. Le Seigneur a dit à ses disciples « Avec le malhonnête argent faites-vous des amis, pour que le jour où il viendra à manquer, ceux-ci vous reçoivent dans les tentes éternelles. » Parlant de cette peine éternelle, Origène écrit qu'étroites à l'extrême seront au jour du jugement les voies du pécheur. Le quatrième remède contre la crainte du jugement, c'est la charité, c'est-à-dire l'amour de Dieu et du prochain. La charité, en effet, fait disparaître la multitude des péchés.